الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد. On continue avec l'explication du verset 12 concernant سورة لقمان الحكيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول جل وعلا: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. On avait cité ces versets coraniques, on les avait expliqués, on était arrivé au verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'exhortation que Luqman donne à son fils. Quand Allah azza wa jal cite dans le Coran al-Karim, « وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. » Allah azza wa jal rappelle que Luqman parle avec son fils avec sagesse, avec hikma, avec douceur. « Ya bunay » La tushrik billah. Donc, n'associe rien à Allah Azza wa Jal. Et il lui explique pourquoi. Inna shirka la zulmun azim. Car l'association à shirk, wa shirku naw'an, comme on va le voir, bit tafsil, insha'Allah ta'ala, dans les détails, il y a deux types de shirk. Inna shirka la zulmun azim. L'association, c'est une injustice énorme. Une grande injustice. Donc, il lui rappelle que c'est une énorme injustice, c'est une grande injustice, et pourquoi pas, alors que les gens de science rappellent que ash-shirk, c'est la plus grande des injustices. Akbaru dhulm, ash-shirku billahi azza wa jal. Walidhalika qala subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal rappelle qu'Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. À part ça, il pardonne à qui il veut. Donc il lui a parlé avec sagesse. Il l'a exhorté avec sagesse, c'est-à-dire avec lin, avec douceur, avec bienveillance. Ya bunay, la tushrik billah. Et il lui explique la raison de cette interdiction. Comme nous, on doit procéder par an. Quand on interdit quelque chose à notre enfant, il ne faut pas lui dire, la taf'al dhalik, par exemple, ne fais pas cela, tout simplement. Voilà qu'on lui interdit la chose qui n'est pas bonne pour lui. On lui ordonne la chose qui est profitable et bonne pour lui. Mais on se doit de lui expliquer pourquoi. Ya bunay, la tushrik billah. Inna shirk la zulmun azim. L'association est une injustice énorme. Chaque chose que tu interdis à ton fils ou tu ordonnes à ton fils, donne-lui l'explication pour qu'il comprenne et qu'il s'habitue, d'accord, à faire les choses avec une bonne compréhension et comme il se doit, parce qu'on sait tous et toutes que quand on fait une chose, d'accord, et on a compris pourquoi faire cette chose, on la fera d'une meilleure façon que si on faisait une chose sans comprendre pourquoi on doit la faire, sans avoir eu aucune explication. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. On avait parlé la semaine dernière de l'éducation des enfants et on s'était arrêté avec les dessins animés, si mes souvenirs sont bons. On avait dit que la première des choses ou le premier des conseils, la première des exhortations sur laquelle doit se concentrer le père mais aussi la mère, al-walidayn, les parents, le père et la mère, ici envers leurs enfants, c'est quoi? At-tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où malheureusement, l'asaf al-shadid, on va dire al-ghalib, la majeure partie des gens, d'accord, malheureusement, quand on regarde de façon générale l'état de la communauté au jour d'aujourd'hui, sans le savoir quelquefois, ils éduquent leurs enfants sur la voie de shirk, wal-iyadu billah. Ne serait-ce qu'à travers, on avait dit, les dessins animés. Et on avait dit qu'il y avait des dessins animés qui poussaient, yani les enfants, à tomber dans shirk, wal-iyadu billah. Par exemple, on sait que al-sihr, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Un sahir, un sorcier, il fait du shirk. D'accord? Et de façon générale, il fait ce qu'on appelle shirkun akbar. Grande association. Une grande association. Et on va voir c'est quoi la grande association, la définition de la grande association. C'est quoi ici ce qui est zahir et ce qui est khafi, apparent et caché concernant shirkun akbar et shirkun asghar, la petite association, ce qui est apparent et caché. Mais là, comme ça, on va bien comprendre les définitions, bi'idnillah azza wa jal. Comme ça, on saura, dès qu'on voit un comportement, une parole, une personne qui parle, est-ce que c'est de la grande association ou de la petite association? On va apprendre les fondements, incha'Allah ta'ala, et les définitions. Un sahir, il travaille avec ash-shayatin, wal-iyadu billah, avec les djinns. Kama qala ibn al-qayyim al-jawziyya, rahimahullah ta'ala, Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les hommes et les djinns. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour m'adorer. D'accord? Les djinns adorent Allah Azza wa Jal. D'accord? Ils sont dans l'ibada. Il y a des djinns qui font tawaf, il y a des djinns qui font al-hajj, qui font l'umrah, qui font la prière, qui prient, qui adorent Allah. Il y a des djinns, ils iront. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et il y a des djinns désobéissants. Comme il y a des êtres humains qui sont dans la prière et qui font l'ibada, etc., al-ins, et il y a des êtres humains qui font des choses illicites. D'accord? Les djinns qui sont sortis de la voie ou de la droiture, qui sont égarés, d'accord? Et les al-ins, les êtres humains qui sont égarés, on les appelle, comme a dit Ibn Qayyim, al-shayatin. D'accord? On les appelle les djabs. On les appelle al-shayatin. Que ce soit des êtres humains ou que ce soit des djinns. Ceux qui embellissent les choses comme le fait Shaitan, qui aime ce qu'aime Shaitan, qui désobéissent à Allah Azza wa Jal et qui poussent les gens à désobéir à Allah Azza wa Jal de jour comme de nuit jusqu'à tomber dans les grands péchés, etc. Ces gens-là, on les appelle al-shayatin. Et Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran al-Karim, quand il dit shayatin, il parle de al-ins wa al-jinn. Il dit les diables, Allah Azza wa Jal, il parle des êtres humains et des djinns. D'accord? Donc Ibn al-Qayyim, il dit tout djinn qui désobéit à Allah Azza wa Jal, il fait partie de shayatin. Et tout être humain qui désobéit à Allah Azza wa Jal et fait ce que aime Shaitan et détourne les gens de la droiture est un Shaitan aussi. On est d'accord? Clair? Donc ici, il faut savoir qu'il y a le sahir, le sorcier, il va travailler avec al-shayatin wal-jin. D'accord? Il va parler avec eux, il va travailler avec eux, il va communiquer avec eux, etc. Et pour communiquer avec eux, pour travailler avec eux, pour faire al-sihr, faire du mal aux gens, etc. wal-iyadu billah, il faut qu'en échange il y ait quelque chose. D'accord? Et le but du djinn, d'accord, qui a viré, d'accord, vers la désobéissance, qui a glissé dans la désobéissance, qui est devenu un shaitan, d'accord, ce shaitan, un shayatin, il va lui dire, khlas, moi je travaille pour toi. Je rentre dans le corps d'un tel, je fais du mal à un tel, je rends fou un tel, je fais ceci à un tel, je fais, walakin, c'est du donnant-donnant. Moi, pour moi, il faut que tu fasses des choses pour moi. Naam? Et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? C'est quoi qu'il veut le shaitan? Que tu tombes dans le kufr. D'accord? Où il va te dire, khlas, adore-moi. Mais de façon indirecte. Égorge en mon nom et pour moi, par exemple, un poulet. Ou alors un mouton, ou je ne sais quoi encore, par exemple. D'accord? Un sacrifice. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, inna atayna kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Allah Azza wa Jalla rappelle que la prière est aussi le sacrifice est pour Allah. Bismillah. Wallahu akbar. Walidhalika qala alayhi salatu wasalam kama ja'a fi sahih, man dhabaha li ghayri Allah la'anahu Allah. Celui qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jalla, Allah le maudit. Si quelqu'un égorge, sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jalla, ou bien invoque autre qu'Allah Azza wa Jalla, d'accord, implore le secours d'autre qu'Allah Azza wa Jalla, on va voir ça dans les détails, faqad kafar. Faqad kafara. Il a mécru. C'est une grande mécréance. Faqad kharaja min al-milla wal iyadu billah. Il sort de l'islam. Et c'est ce que demande le shayatin. Donc vous allez voir un sihar, il fait ça. Soit il égorge pour shayatin, les djinns, ou alors il va dire à la personne, khlas, moi je vais te faire sihr, ou je vais te faire comme ils disent, oui, je vais te faire al-huruz. D'accord? C'est des sortes de papiers où ils écrivent, mais eux, ils disent, l'anik, c'est le Coran, al-Karim. Mais de façon générale, c'est quoi? C'est des carrés, des croix, etc. À la kulli hal, ils font toutes sortes de choses. Mais en échange, qu'est-ce qu'ils disent, shayatin? Moi, je vais t'aider, mais toi, tu dois égorger pour moi, ou alors tu dois faire des choses, dire à ton patient de ramener tel type d'animal ici et de le ramener ici, et qu'il l'égorge pour moi, etc. Donc, il veut faire tomber soit le sahir, ou soit pousser le sahir à faire tomber les gens dans le kufr, wal'iyadu billah. D'accord? Donc, ça, c'est de la mécréance. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde contre ash-shirku billahi azza wa jal. D'accord? Et ici, le fait de dire qu'il y a des parents, et une grande partie des parents, qui non seulement ils n'éduquent pas leurs enfants sur At-Tawhid, mais ils les éduquent sur Ash-Shirk, ceci est fondé. Parce que de façon générale, les enfants regardent les dessins animés. Et la majeure partie des dessins animés, ou plutôt les dessins animés ou les séries qui sont le plus aimés par les enfants, on retrouve quoi? On retrouve du Shirk. As-Sihr, c'est quoi? C'est de là? C'est de la sorcellerie. D'accord? Et eux, ils embellissent cette sorcellerie en disant c'est de la magie. D'accord? C'est de la magie. D'accord? Et sahir, il te fait croire qu'il a des pouvoirs. D'accord? Il te fait croire qu'il a des pouvoirs, donc quelque part c'est un magicien. C'est ça. Donc ici, regardez, c'est subtil, mais en bref, eux, ils nous font montrer des dessins animés où on voit des sorciers. On voit quelque part des sorciers. Quelquefois, ils le disent clairement, ce sont des sorciers. Quelquefois, ils le disent indirectement, non, ce sont des magiciens. Ce sont des génies, comme Aladdin, des djinns. D'accord? Et ils voient la communication entre le djinn et l'être humain, Al-Insan. Donc, il habitue Al-Insan à parler avec les djinns. D'accord? Le génie Aladdin, le djinn. D'accord? Hop, il parle avec eux, etc., etc. Donc, ça, psychologiquement, l'enfant, il grandit et il a cet amour envers cette magie, envers ces sorciers. Donc, ils embellissent même le travail du sorcier. Quelquefois, l'enfant, il va le voir sous un bon œil. Même peut-être nous, quelquefois, jusqu'à ce qu'il n'y a pas très très longtemps, on va dire. D'accord? Donc, ici, wal'iyadhu billah, c'est du bourrage de crâne. Alors qu'on sait que ce n'est pas un sujet qui n'est pas important ou pas trop important, bien que tout est important dans la religion, mais on dit c'est le sujet le plus important de la religion. C'est le sujet le plus important. Et ça nous pousse à ne pas être négligent dans l'éducation. Comme j'ai dit précédemment, ici dans le cours dernier, ça ne veut pas dire qu'on interdit nos enfants à regarder les dessins animés, ils n'ont pas le droit de s'épanouir, ils n'ont pas le droit de jouer, ils n'ont pas le droit de ceci. Voilà qui nous au jour d'aujourd'hui, même si c'est des jeux licites, des dessins animés licites, billahi alaykoum. Il faut que chacun d'entre nous se pose la question. Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? C'est cette question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je veux de mes enfants? C'est quoi mon intention? Ça ne sert à rien de continuer à parler avec la personne 10 heures. Ou de faire des cours et des cours. Oui, il faut faire comme ça, il faut éduquer les enfants, il faut que la mère elle éduque comme ça, le père elle éduque comme... Bref, pose-toi la question. Toi, tu as ton fils devant toi. C'est une amana. C'est une amana, c'est un dépôt. D'accord? Les enfants, c'est un dépôt. Clair. C'est une ni'ma. Ah, on est d'accord, c'est une ni'ma les enfants. Et cette ni'ma, quand Allah Azzawajal te donne une ni'ma, faut être reconnaissant. Faut être reconnaissant, c'est normal ou pas? Et al-shukr, il est avec quoi? Al-qalb, wal-lisan, wabil-jawarih, wal-arkan. On avait dit, c'est avec le cœur, la langue et avec les membres. Et quand tu as une ni'ma, d'accord, tu dois être reconnaissant envers Allah Azzawajal. Et comment tu es reconnaissant envers Allah Azzawajal à travers les membres, à travers la langue, à travers le cœur? Concernant ton enfant, c'est comment? Comment être reconnaissant envers Allah? Par rapport à cette... C'est? Voilà, khlas, mashallah. C'est en les éduquant selon le Coran et la Sunna, bifahmi salaf il umma. Ya Rab, tu m'as donné une ni'ma, c'est une amana. Walakin, Allah Azza wa Jal, il te dit, tu dois être reconnaissant envers lui. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Allah, il n'a pas besoin de toi. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid. خلاص الله إلَّا بَعْضَنَا مِنْ تُدَوَّتَهُ رُكْنِسَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرَ لِلَّهِ الله عز وجل nous a donné لُقْمَانَ la sagesse et sois reconnaissant envers Allah tout bienfait qu'Allah t'a donné tu dois être reconnaissant envers Allah عز وجل ce bienfait qui est un dépôt une amana tu dois être reconnaissant comment tu les éduques comme Allah et le prophète عليه الصلاة والسلام le veulent d'accord mais avant ça qu'est-ce que tu veux de tes enfants si t'as pas compris ça pose-toi la question et repose-toi la question jusqu'à ce que tu comprennes bien que c'est un dépôt et que tu rendras des comptes sur ces dépôts. Qu'est-ce que je veux faire de mes enfants? Et honnêtement et sincèrement au fond de toi. C'est la première des choses. Et dis à ton épouse, sincèrement, pose-toi. Maintenant, t'as ces enfants en face de toi. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Bah, khlas, non, laisse-moi des fausses paroles, des embellissements. Honnêtement, au fond de ton cœur, t'aimerais bien que ton fils soit quoi? Un prédicateur? Un prêcheur? Un homme vertueux? Un délinquant? Qu'est-ce que tu veux de ton enfant? Ou bien est-ce que tu aimerais bien que ton fils soit tout simplement ou que un ingénieur, un médecin, bien que ça soit bien. Mais j'ai dit que, c'est-à-dire que il acquérisse des biens de la vie d'ici-bas, c'est tout. Ou bien t'as envie qu'il acquérisse les biens d'ici-bas et de l'au-delà. Posez-vous la question sincèrement et posez la question à vos épouses et vos époux. Et les épouses posent la question sincèrement aux époux. Qu'est-ce qu'on veut de ces enfants-là? Khlas, quand on a répondu la bonne réponse, on a donné une bonne réponse, on peut aller plus loin. Moi, je veux avoir des enfants vertueux, pieux, bien éduqué, qui adore Allah Azza wa Jal et qui me soit bénéfique ici-bas et dans le-delà, c'est-à-dire comme a قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خلاص, parce que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit quand l'être humain meurt, toutes ses actions sont stoppées sauf trois. Parmi ces trois choses, un enfant pieux qui invoque pour lui. Moi, je veux un enfant éduqué. Amma, ensuite, qu'il soit médecin, qu'il soit ingénieur, qu'il soit... Peu importe, parce que quoi? Nous, est-ce que Allah nous a imposé que tous les enfants soient des imams, ou des savants, ou des... Abadan. Nous, ce qui est imposé, c'est que tout être humain, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science, c'est une obligation pour tout le monde. Que ton fils apprenne la religion. Amma tous les enfants soient imams. Khalas, quand on est malade, qui va nous guérir? C'est-à-dire, as-sabab, la cause, ça va être qui? S'il n'y a pas de médecin, al-atibba, s'il n'y a pas de... On a besoin de médecins, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de... Le savant, quand sa voiture, elle va tomber en panne. Et s'il n'y a pas de mécanicien, c'est tous des savants. Qui va lui réparer sa voiture? On a besoin de mécaniciens ou pas? On a besoin de mécaniciens, on a besoin de médecins, on a besoin de bouchers, on a besoin... Walakin, nous, on dit, khalas, la principale des choses qui m'incombe, c'est je lui donne ad-din. Quand je lui ai donné la religion, toutes les solutions sont dans la religion. Allah Azza wa Jalla, il leur donne. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, al-insan, a travaillé pour avoir de l'argent halal ou pas? Na'am. Allah, il leur donne à l'enfant de se comporter bien avec les parents? Na'am. Allah, il leur donne de se comporter bien avec les musulmans et non-musulmans? Na'am. Allah, il leur donne d'être propre et d'être pur et de se repentir? Na'am. Allah, toutes les bonnes choses sont dans la religion. Donc, quand tu as donné la religion à ton fils, tu as fait devancer la religion, sache que tu lui as laissé tous les trésors. Tous les trésors de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Tu lui as tout laissé. Ad-dunya wal-akhirah. Donc toi, tu te poses la question, honnêtement, tu veux quoi? Et c'est pour ça qu'on dit, jaddid an-niyya, renouvelle ton intention. Si la personne, elle te dit, au fond de moi, wallah, et moi, honnêtement, j'avais dans l'intention simplement que mon fils, il ait un bon métier, une bonne voiture, une bonne situation, et qu'il soit bien, qu'il soit dans des... On lui dit, non, reprends à zéro. Allez, reviens en arrière. Renouvelle ton intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. À quoi ça sert de faire des efforts alors que an-niyya, elle n'est pas bonne? Donc on revient à l'intention. Moi, je veux avoir un enfant qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan. Ahabbu al-asma' ila Allah azza wa jal. Wal hadith rawahu muslim, c'est quoi? Abdullah et Abdul Rahman. Regardez. L'éducation sur le tawhid commence au moment même où l'enfant naît. Ou si tu lui as donné le prénom avant qu'il naisse, bien que la sunna c'est 7 jours après qu'il naisse, ala kulli hal à sa naissance. Les noms les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Serviteur d'Allah, subhanallah. Dans son nom, il y a Allah, le nom d'Allah. Abdullah est quoi? Abdul Rahman. Regardez, Allah Azza wa Jal, il te dit déjà à la naissance, il éduque. Allah, il te permet de t'éduquer toi, le prophète de t'éduquer toi et d'éduquer tes enfants. Et d'avoir déjà dans ton intention le fait que ton fils soit un serviteur de qui? Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam, ta'isa 'abdu ad-dinar wa 'abdu ad-dirham, hadith sahih. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit malheur à l'adorateur de quoi? Du dinar et du dirham. Wal 'iyadhu billah. Donc il y a des gens qui vont adorer Allah et il y a des gens qui vont adorer l'argent. C'est qui l'a dit? Alayhi salatu wassalam. Ils vont adorer l'argent. Qala Allah ta'ala. Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? Ara'ayta man ittakhadha hawaah? Ara'ayta man ittakhadha? As-tu vu celui qui prend hawaah? Allah azza wa jalla dit, as-tu vu celui qui prend sa propre passion comme divinité? As-tu vu celui qui prend sa propre passion comme divinité? Celui qui adore soi-même, sa passion, ses passions, ses plaisirs. Il y a des gens qui adorent des statues, il y a des gens qui adorent les passions. Khalas, c'est l'heure de la prière, et il est avec une chose, d'accord, qui attire son âme, une chose mondaine, et il préfère cette chose, ou passer son temps avec cette chose, que venir faire la prière. Quelque part, il adore Allah, ou il adore ses passions. Il adore ses passions. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, as-tu vu ou n'as-tu pas vu celui qui prend sa propre passion comme une divinité, comme divinité, wa l'ayyadhu billah. Donc c'est pour ça que le prophète il dit, ta'isa abdu dinar, que périsse ou alors malheur à l'adorateur du dinar et du dirham. Nous, on éduque nos enfants en leur donnant des beaux prénoms. Abdullah et Abdurrahman. Pour rappeler à l'enfant et rappeler aux parents que ça doit être un serviteur d'Allah, un serviteur du miséricordieux. Dis, je veux des enfants qui soit vertueux, j'insiste sur ce point-là, qui adore Allah sans rien lui associer et qui sont là pour satisfaire Allah Azza wa Jal, être au service de la communauté. Mais les intentions concernant ad-din, et t'inquiète pas, Allah leur donnera dunya wal akhirah. Khalas. Walakin, si tes intentions sont oui, je veux, et des gens ils vont dire non, pas du tout. Moi, mes intentions, c'est din. Khalas. On vient ici, en se conformant au texte du Coran et de la Sunna, on dit on juge les actions, pas les intentions. On est d'accord. Comme a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, à l'époque du prophète, il y avait le wahy, la révélation. Le prophète pouvait juger les intentions, car Allah lui disait, un tel est mauvais, un tel est bon. Clair? Walakin, il disait à notre époque, Omar, quand le prophète est mort, il n'y a plus de révélation. Donc nous, on juge les actions, pas les intentions. On est d'accord? Nous, on juge les actions. Billahi alaykum. Khalas, maintenant, tout le monde va se dire, non. Parce qu'il faut bien attaquer le problème, d'accord? Parce que c'est un problème, c'est quelque chose de mal. Attaquer le problème vraiment à la source. Quelqu'un va nous dire, non. Moi, je suis sincère, là, c'est bon, il n'y a pas de problème, mon intention, c'est ça. Ah, on ne peut pas juger tes intentions. Tu nous dis ça, mais nous, on veut voir les actions qui prouvent. On est d'accord. Quand tu vois, billahi alayk, des gens qui, quand il faut inscrire leurs enfants à l'école, je parle de l'école, d'accord, ce qu'on peut retrouver dans les pays, par exemple, comme en France et autres, l'école, comment on peut appeler ça? L'éducation nationale. D'accord, CP, maternelle, CM1, CM2... Et quand il y a un règlement qui est donné, khalas, il faut le dossier qui soit rempli. L'argent, si c'est une école privée. Il faut se plier à ce règlement. Il faut ceci. Il faut cela. Il faut arriver à l'heure. Il faut faire ses devoirs. Il faut faire... Ça, c'est pour... Ça concerne quoi à la base? Ad-dunya ou bien l'akhira? C'est les cours de Coran, des cours de... C'est dunya. On est d'accord. Je dis pas que c'est pas bien que notre enfant apprenne à l'école. Abadan, nos enfants doivent être les premiers de la classe. Pas toujours, ils restent en arrière. Les premiers de la classe. Voilà qu'on va dire. D'accord. Là, on juge les actions. Là, on va dire, ouais, moi, je suis pas là pour ouvrir les poitrines des gens et juger les intentions. Personne n'a le droit de le faire. Vous connaissez le hadith avec Oussama ibn Zayd. Quand ils étaient dans le combat, al-jihad, et quand le prophète, alayhi salam, il a interdit de tuer toute personne qui dit, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Le prophète, alayhi salam, il a interdit ça. On est d'accord. Et Oussama ibn Zayd, il a pas tué une personne qui a dit, la ilaha illallah. Il a tué ou pas? Il a tué. Voilà qu'on, quand le prophète a su ça, le prophète, il est devenu rouge, il s'est énervé. Et Oussama ibn Zayd, il a dit quoi au prophète, alayhi salam? Quand le prophète l'a convoqué, il a dit, tu l'as tué un tel? C'était les ennemis au début à la base. Alors qu'il a dit, la ilaha illallah. Et Oussama ibn Zayd, il a montré au prophète, alayhi salam, ya Rasulallah. Il lui montre au prophète, alayhi salam, c'est clair pourquoi il a dit, la ilaha illallah. Il savait très bien, les gens, que si on disait, la ilaha illallah, on ne tuait pas. Khlas. Il avait mon épée au-dessus de sa tête, il s'est dit, je dis, la ilaha illallah, je m'en sors. Pour lui, c'était logique. On peut dire, oui, c'est un ijtihad, d'accord, c'est assez clair d'après la situation. Mais le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Oussama ibn Zayd? Il lui a dit, c'est bien, t'as raison, très bon qiyas, très bonne analogie. Il lui a dit, est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir ce qu'il y avait dans son cœur? Qui t'a dit à toi ou à moi d'aller faire des déductions? On peut pas. Nous, on peut pas juger les intentions, on juge les actions. Son action a montré qu'il était musulman. Khlas, sami'na wa ata'na, tu le tues pas. Même si t'as l'impression, d'accord. Clair. Donc, on ne juge pas les intentions, nous, mais le plus important, c'est les intentions. Mais on juge les actions. On a dit précédemment, des gens vont nous dire, la majeure partie des gens, non, wallah, moi, il n'y a pas de problème et tout. Khlas, on veut résoudre les problèmes. Ce qui est un problème. La majeure partie des gens, ils disent ça, walakin, les enfants, ils sont éduqués, Allah al-Musta'an. Illa man rahim Allah. L'éducation, Allah al-Musta'an. On sait très bien que ça n'a plus rien à voir. De façon générale, l'éducation des enfants, qu'il y a ne serait-ce que, s'il n'y a pas des parents ici, c'est le Hajj Moussa, masha'Allah, il est là. Les personnes âgées vont vous le dire. À l'époque de nos parents, les enfants, l'adab, l'ihtiram, je parle de l'époque quand on était petit, on était, ça n'a rien à voir avec les enfants, l'éducation qu'on voit de façon générale. Nous, plusieurs exemples on a donné. On a vu que, par exemple, ne serait-ce que la pudeur. Et le prophète, il a dit, chaque religion a sa moralité. Et la moralité de la religion, c'est quoi? De l'islam, c'est, al-haya, c'est la pudeur. Où elle est la pudeur chez les jeunes maintenant? On a dit la pudeur, c'est pas simplement mettre un long djilbab et un kamis. C'est pas que ça la pudeur, c'est bil-lisan, avec la langue, le comportement, l'akhlaq, comment tu marches, etc., etc. Ici, ne serait-ce que comment on se comportait avec les invités quand ils venaient chez nous. Ah, on avait peur, la porte fermée, l'ihtiram, on voyait des personnes âgées avec nos parents, on leur embrassait la tête quelquefois, on parlait bien, on baissait la tête. Maintenant, tu vois le petit, il a 3 ans, 4 ans, il voit son père, il voit les amis et les frères qui sont avec son père, on dirait c'est leur pote. Il saute sur lui, il rigole. C'est même parti trop à l'excès. Trop à l'excès. Même il rentre, le petit. Ouais, truc. On dit, assalamu alaikum. Ouais, assalamu alaikum. J'adore. Non, je peux. La main serait levée, déclenchement de la droite qui aurait. C'est quoi ça maintenant? Et nous, même plus de la main, on dit, oh, miskin. Ouais, mais il disait pas miskin. Miskin. Et après, tu assumes tes responsabilités. Elle est où cette pudeur? Il y a un problème dans l'éducation ou pas? Oui. Il y a un problème. Le jour où les jeunes se disent maintenant, on s'investit plus dans la religion que nos parents. Voilà qui les actions et le concret, il est où? On juge les actions et le concret. Je dis pas qu'il y a que du mal. Abadan. Beaucoup de bien, il y aura toujours du bien dans cette communauté. Ça, c'est clair. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Mais il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on veut résoudre le problème. Le problème, c'est quoi? Tout le monde dit oui, je veux. Maintenant, on revient dans les actions. Khalas. On a parlé du règlement dans l'éducation nationale. Va me dire billahi alayk. Est-ce que quelqu'un va poser son dossier avant d'inscrire ses enfants en retard ou pas? Bien que c'est en général 2-3 mois avant. C'est ça? 2-3 mois avant, c'est avant l'été qu'il faut inscrire ses enfants pour la rentrée et il faut lui prendre l'école et il faut lui prendre les fournitures et sinon il y a un carnet de correspondance où les professeurs mettent des mots et si l'enfant vient en retard, s'il est mal habillé, s'il ne révise pas ses devoirs, il y a des mots, il y a des absents, il y a des ceci et sinon il y a des réunions et après on invite le principal pour régler le problème avec l'enfant parce qu'il ne fait pas bien ses devoirs ou il a des problèmes, ou il n'est pas sérieux, ou il n'est pas sociable, etc. Et là les parents ils sont sérieux. Ils rentrent, tu vois même les parents, hein, une souris verte qui courait dans l'herbe, ils chantent les poésies avec leurs enfants toute la nuit. C'est vrai ou pas? Toute la nuit. Ah, il faut que t'apprennes. Et dur. Maintenant, passons ici dans le contexte religieux. Quand il y a un programme religieux pour les enfants, par exemple, je sais pas ce qui se passe partout dans la France ou laquelle en général, dans les mosquées par exemple. En général, d'après ce que j'ai entendu moi des échos un peu, je suis parti un peu à droite et à gauche dans la France et autres, quand j'entends les comportements qu'il y a des parents, Allahul Musta'an. Les parents veulent que leurs enfants, c'est bien beau avec la parole. Ouais, j'aimerais bien que mon fils apprenne le Coran al-Karim par cœur, etc. et tout. Et ils viennent et les inscrivent dans une école coranique, par exemple, ou dans une mosquée. Il y a des cours, par exemple, 2 heures par semaine, 3 heures. Voilà, qui le ramène quand il veut. Le dossier, pour qu'il soit complet, faut attendre 8 mois. Les révisions avec son enfant, faut pas rêver. C'est très peu de parents qui s'en occupent. Pour faire des cours en plus. Ah non, ça y est, je tire ma responsabilité. Va à la mosquée 2 heures par semaine. Et après, on dit, moi, je veux que mon enfant soit pieux. Donc, en jugeant les 2 exemples que j'ai donnés, si la personne, après, elle nous dit, d'accord, elle se comporte vis-à-vis de l'éducation nationale, comme je vous ai dit, et elle se comporte vis-à-vis de l'éducation de son enfant à la mosquée, on dit que cette personne est véridique ou est une personne qui ment. C'est quoi? T'es sûr? On est tous sûrs, on est tous d'accord. Donc, beaucoup de parents, c'est des menteurs. Parce que chez beaucoup de parents, ça se passe comme ça. C'est des paroles dures, c'est une réalité dure, c'est la vérité. Qui billahi alaykoum, comme parent, je ne dis pas personne, mais de façon générale, qui comme parent disent, moi, tous les soirs, avec mon fils, ne serait, je ne dis pas 3 heures, il sort de l'école, déjà, mskin, toute la journée, il est resté à l'école, il va rentrer encore toute la nuit, le Coran, non. Mais, comme a dit Ali salatu wa salam, quand Aïcha l'a interrogé, c'est quoi la meilleure des actions? C'est faire qiyam al-layl, et de faire beaucoup de... Il lui a dit, adwa muha wa inqal. Ah, l'action régulière, même si elle est petite. Allah, il préfère, ya Abdallah, que tu fasses 4 rak'at surérogatoires par jour, mais tu les fasses tout le temps. Que un jour tu fais qiyam al-layl, et pendant 6 mois tu fais rien du tout. Adwa muha wa inqal. Va doucement, mais régulièrement. Fais 20 minutes par jour avec ton enfant. Ou un quart d'heure, même 15 minutes, wallah. Tu fais 15 minutes tous les jours de révision avec ton fils. Les gens disent, j'ai pas le temps. Par contre, une heure. Devant Claire Chazal ou je sais pas qui, ah là il y a du temps, ou une demi-heure ou je sais pas quoi. Devant les matchs de foot, ah t'inquiète pas. Les finales de rugby, t'inquiète pas. Les séries TV, t'inquiète pas. Jusqu'à ce qu'on voit des frères avec la barbe, le Kamis, ils restent pendant 3 heures en train de jouer, on entend avec des PlayStation. Combien de femmes ils se plaignent? Mon mari, j'en peux plus. Quoi? Il a le barbe, le Kamis, Minhaj Salaf, Masha'Allah et tout. Voilà, il passe pas de temps avec moi, il fait quoi? Il joue à la PlayStation. Masha'Allah, après ça vient dans la mosquée, ouais. Halal, haram, bid'a, pas bid'a. Ah, roha, quoi, t'lab. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est un jeu, ça ou quoi? Reste à ta place, et Abdallah, on juge les actions. Ici, on joue pas avec la religion. Et on juge les actions. On juge pas les intentions. Même si quelqu'un, comme il disait Omar, nous dira que son intention est bonne, mais ses actions, ici, contredisent ce qu'il nous dit, on jugera ses actions et on délaissera ce qu'il nous a dit sur son intention. On juge les actions, et Abdallah. On dit pas, on doit être pieux, faire qiyam al-layl. Mais il y a des limites. Tu restes regarder des informations. On dirait que t'es un homme politique ou président de la République. Tu dis, il faut que je rate rien des informations. Midi, il faut qu'il regarde. Le soir, il faut qu'il regarde. L'après-midi, il faut qu'il... Tu vas faire quoi? Tu vas changer le monde? Il faut que tu te renseignes. Oui, c'est important. Mais regardez, passer en tout 3 heures d'informations par jour. Et à côté, quand tu dis, t'as 20 minutes pour ton fils pour lui faire des révisions tous les soirs? Oh Allah, j'ai pas le temps. Je suis mroun, mon frère, si tu savais. Subhanallah al-adim. Et là, je parle de l'homme. Mais la mère aussi, elle a son rôle. Comme ils disent les ulama, al-madrasa, l'école, la première école, c'est qui? C'est al-um, c'est la mère. Et la personne qui passe le plus de temps à la maison, C'est qui? C'est la mère ou le père? Bon, attends, je vais rectifier. Normalement, parce que maintenant, il n'y a plus normal maintenant. Normalement, c'est qui? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ بُيُوتِكُن. Ah, c'est le féminin. بُيُوتِكُن, نُون. C'est pas فِي بُيُوتِكُم. C'est pas les hommes. فِي بُيُوتِكُن. Restez dans vos demeures. Ça, c'est l'asl. On dit pas, elle est en prison, elle doit pas sortir. Il y a des raisons où elle sort. Mais à la base, la femme, elle est à la maison. Au jour où ils ont dit, non, la femme, il faut qu'elle s'émancipe, et il faut qu'elle travaille, il faut faire place aux femmes. Et alors qu'à l'époque, même les non-musulmans, ils respectaient la femme, ils l'honoraient, et l'homme allait travailler comme un homme, et la femme restait à la maison et elle avait tout servi, masha'Allah. Non, ils ont dit, non, il faut émanciper la femme. Au jour d'aujourd'hui, comment ils ont émancipé la femme? La majeure partie des femmes, ils travaillent où? En train de nettoyer les toilettes. C'est vrai ou pas? Tu crois quoi, la majeure partie des femmes, c'est quoi? C'est les femmes ingénieurs, c'est les femmes architectes? Non. Regardez comment ils ont joué avec les mentalités des femmes. On va les faire sortir de chez elles, mais en général, c'est à qui les femmes maintenant? En général, c'est eux qui ont les travaux les plus mauvais. Soit le ménage, soit nettoyer les toilettes, soit les... C'est comme ça que vous avez réussi à faire place aux femmes et honneur aux femmes. Alhamdulillah, la femme, elle reste à la maison et elle est servie à la maison. Le mari lui ramène sa nourriture, il la sert, il la... Normalement. Parce que maintenant, même dans le contexte religieux, on voit que c'est les femmes qui travaillent et les hommes, masha'Allah, qui est paresseux, Allah al-Musta'an. Ou alors la femme, elle n'a pas le choix. Le frère rentre, écoute, la femme à la maison. Qarna fi buyutikun, quand ça l'arrange. La femme, elle reste à la maison. Et c'est comme ça, din. Mais par contre, lui, quand il dit, là, je reste à la maison, va travailler. Va ramener à manger, va faire quelque chose. Comment je vais faire? Je reste à la maison, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Walakin, la ralab et tout. Ah, ça, c'est pas tes affaires. Toi, tu restes à la maison, khla. C'est quoi ça? Donc chacun a sa place. La femme à la maison, elle a sa place. Le mari travaille. Walakin, assume tes responsabilités aussi. Assume tes responsabilités aussi. Donc on a dit, la première école, c'est l'oum. Normalement, c'est l'oum parce qu'elle passe le plus de temps, normalement encore, avec ses enfants. Donc ici, c'est elle qui a le plus de contact dans la journée avec ses enfants. Si elle oum, la mère, yani kharja triq, comme on dit, elle sort du chemin, et elle est égarée, elle est... Bien sûr que les enfants, ça va suivre. Le père, il aura du mal à rattraper. Mais ça ne veut pas dire que le père, il n'a pas d'effort à faire. Le père, quand il rentre le soir, il fait un programme aussi. Mais la femme qui doit faire un grand programme et vraiment aménager du temps pour les enfants, c'est la mère. C'est la mère qui doit faire tout ça parce qu'elle est plus en contact dans la journée avec les enfants. Et c'est facile pour elle de leur faire, ou plus facile pour elle de faire un programme, contrairement au père qui, la majeure partie du temps, il est dehors parce qu'il travaille, etc., etc. Donc c'est à la mère aussi de jouer un grand rôle, mais le père aussi. Donc on dit, si le père fait un petit effort, la mère fait un petit effort, le père il dit, je donne 20 minutes par jour. C'est quoi 20 minutes? C'est rien. Là on dit 20 minutes, ouais, mais comme c'est... Mais ça c'est quoi? وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمُ. Shaitan leur embellit les actions. 20 minutes, Shaitan il va te les faire paraître comme une heure. Mais quand tu regardes un match de foot, les trois quarts d'heure, il va te les faire paraître comme 10 minutes. Ou un film. C'est déjà fini. Pourtant tu sais que c'est du film, c'est déjà fini. Mais pour rester un dars 45 minutes, oh le combat, le jihad. C'est un jihad. C'est un jihad. C'est un jihad maintenant. Alors que le prophète alayhi sallam comme a fait le hadith dont je fais par Cheikh Al-Albani, le prophète dit toute personne qui sort de chez lui avec l'intention d'apprendre la religion, d'accord, il va à la mosquée pour apprendre ou transmettre la religion, il revient chez lui, il a la récompense de quoi? D'un pèlerinage, un hajj. La récompense d'un hajj. Juste ça. Et c'est un jihad. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que quand il y a des cercles d'évocation d'invocation, c'est pas tout le monde qui reste. Al-Ajar, tu crois que c'est une nasilat Allah, ghali, la marchandise d'Allah, le paradis, il est cher. Donc c'est pas Allah, quand on voit la récompense est grande, l'effort il est grand, il est dur. Même si on croit que c'est Shaitan, quand il voit qu'il y a une chose que tu fais et il y a beaucoup de récompenses, il va se concentrer sur cette chose au maximum pour te détourner de cette chose. Il va faire tout pour te détourner. Plus il y a de la récompense dans un acte d'adoration, plus Shaitan il va faire des efforts pour t'éloigner de cet acte d'adoration. Et les cercles d'évocation et d'invocation comme on est, on sait très bien, il y a énormément de récompenses. Le prophète Aïssam Kamadja Afisahi, il a dit à Allah Azzawajal, la miséricorde sakina, elle descend, la miséricorde descend. Allah, il te pardonne tous tes péchés. Et les anges, ils nous encerclent de leurs ailes. Et le prophète Aïssam, il a appelé quoi? Ces cercles d'invocation qu'on vit, c'est quoi? Il les a appelés comment? Les jardins? Des jardins du paradis. Quand vous voyez des jardins du paradis, arrêtez-vous. Le prophète, il a dit. C'est ça, c'est quoi? C'est des jardins du paradis. Le prophète Aïssam, il a dit récompense d'un hajj. Toute la récompense qu'il y a. Toute la récompense qu'il y a. Et regardez les gens, très peu restent. Illa man rahim Allah. Alors que la personne il se lève, plus de péché bi'idnillahi azza wa jalla. As-sakina, elle est descendue. Ar-rahma, elle est descendue, la miséricorde, et il repart chez lui avec la récompense d'un hajj. Et en plus de cela, comme a qala alayhi salatu wa salam, celui qui reste entre deux prières avec le wudu fil masjid, dans la mosquée, il a quoi? Al-malaika, ils disent quoi? Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Les anges, ils ne cessent de dire ça. Allah pardonne-lui. Allah fait-lui miséricorde. Al-an, bi-idnillah azzawajal, les malaïka, ils disent quoi? Allahumma arfir lahu, Allahumma arhamhu, à chaque personne d'entre nous. En plus de cela, t'es dans la mosquée et t'es considéré comme si t'étais en... Fais ça là dans la prière. Là, t'es assis, c'est comme Allah, il te compte comme si t'étais en train de prier. Regardez tous les cadeaux. En faisant quoi? En allongeant tes pieds, chauffage au sol, et t'es alhamdoulilah, et c'est quoi? Entre moi, Rabbi Isha, trois quarts d'heure, rien à faire. Toi, tu dis un petit jihad. Et là, les gens, on dirait, tu leur as dit, il faut aller monter dans la montagne, combattre 1 million d'ennemis, et après partir là. Subhanallah. Et c'est pour ça qu'on dit, on n'a rien sans rien. Il faut faire des efforts. Donc, on dit, l'éducation des enfants, ce n'est pas un jeu. Et il faut que chacun renouvelle son intention. Pourquoi je veux faire des enfants si tu n'as pas eu encore d'enfants? Quand tu les as eus, renouvelle ton intention. Sincèrement, je veux quoi? Je veux des enfants pieux, vertueux, et qui adorent Allah comme il se doit. Donc pour ça, je dois les éduquer, ou alors je me mens à moi-même. Comment je sais si je me mens à moi-même? Vérifie les actions. Comment ça se fait quand c'est l'école? Je fais le maximum d'efforts, je lui fais réviser ses poésies, mais par contre, pour lui faire réviser surat al-Ikhlas, je ne l'ai jamais fait peut-être une ou deux fois. Voilà, khlas. Si c'est comme ça... C'est pas la fin du monde. Khalas, renouvelle ton intention et refais des efforts. Les efforts que tu fais pour l'éducation nationale, c'est bien. Continue pour que ton fils, il apprenne et il avance et il soit, mashallah, le premier de la classe. Mais pour Din, tu dois faire encore plus. Pour Din, tu dois faire encore plus. En plus de cela. Billahi alaykoum. Quand vous dites à un non-musulman, je te donne un livre, comme ce livre-là par exemple. Regardez ce livre-là. Vous lui donnez, vous lui dites, tiens, tu le prends, ton fils il a quel âge? 5 ans. Khalas, tu lui donnes et tu lui dis de l'apprendre par cœur en français. Il va faire comme ça. Il va dire, mais... Il va dire quoi? Il va dire, t'es hamak toi quoi? Il va dire, c'est inimaginable, lui il est par cœur, tout ce livre, mon fils il a 5 ans. Alors que mon fils il vient d'apprendre à jouer à je sais pas quoi, ou il a encore... Mais quand tu leur dis aux non-musulmans, tu leur dis qu'il y a des enfants qui ont 5 ans et qu'ils l'ont appris par cœur, alors qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont appris par cœur, et c'est dans une langue arabe. Et la langue arabe, c'est la meilleure des langues, la plus belle des langues qu'il y a sur la surface de la terre, l'oratul arabiya, la langue arabe. Ils auront du mal à croire. Et pourtant, ça existe. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a facilité le Coran al-Karim? Si la personne fait devancer, même dans son éducation ad-din, donc il va lui faciliter quoi? Il va lui faciliter la science profane ou les sciences profanes, c'est-à-dire les sciences mondaines. Pourquoi? Parce que si l'enfant, tu lui apprends le Coran depuis qu'il est petit, khalas, son cerveau, alhamdoulilah, il s'est ouvert, c'est, mashallah, il a retenu presque, on va dire, 30 hizb, par exemple, à 5 ans. Quand est-ce qu'il va aller à l'école, tu vas lui donner une poésie de 10 lignes? La poésie va te la manger jusqu'en, le prof, il aura pas fini, il aura déjà appris par cœur. C'est vrai ou pas? Il a 30 hizb dans la tête. Et lui, il arrive à 5 ans, à l'école, ou 6 ans, ils vont lui dire, tu dois apprendre une poésie. Il va dire, moi, j'ai appris 400 pages ou 300 pages dans ma tête par cœur. C'est pour ça, les ulama, ils disent, tu fais devancer la religion, même dans l'éducation, ça c'est la porte ouverte pour toutes les autres sciences. Pour toutes les autres sciences. Et même, je me rappelle d'un professeur qui avait dit, Wallah, il disait dans une école, moi je recommande fortement aux parents d'apprendre à leurs enfants la langue arabe. Kafir, mécréant, non musulman. Un prof, Wallah, je l'ai entendu de mes oreilles. Il m'a dit, moi je recommande aux parents, il m'a dit parce que quand je vois des enfants qui ont appris la langue arabe, je vois qu'ils sont quelque part plus avancés que les autres. Ils ont une plus grande facilité parce qu'ils ont travaillé, et c'est logique. Plus tu travailles ton cerveau, par exemple quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'a pas appris quelque chose par cœur. Et quand il reprend l'apprentissage par cœur, il a du mal. Mais quand il fait une semaine, deux semaines, trois semaines, khalas, ça devient plus facile. C'est vrai ou pas? Pareil le Coran. Mais quand lui, il a travaillé déjà son cerveau, il a travaillé ici le fait d'apprendre une autre langue, de travailler plus, de pousser plus son cerveau, de faire plus d'efforts. Donc ici, ça lui donne un peu plus d'intelligence par rapport aux autres. Il devance les autres. Il a déjà un acquis que les autres n'ont pas, une facilité que les autres n'ont pas. Et il dit, tu vois, après ça se répercute même dans les autres matières. C'est pour ça que, comme disent les gens de science, quand tu donnes l'éducation islamique à ton enfant, c'est la porte ouverte à toutes les autres sciences. C'est la porte ouverte à toutes les autres sciences. Dès son plus jeune âge, apprends-lui la langue arabe. Apprends-lui al-Qur'an al-Karim. Apprends-lui al-Aqidatu al-Sahiha. Parce que l'Aqida, c'est subtil. Comme on va le voir, bi-idnillah azza wa jal, où il est Allah, comment il est, il va voir, ah non, ça c'est du shirk, ça, depuis son plus jeune âge. Ya bunay, la tu shirk billah, inna shirka la zulmun azim. Depuis son jeune âge, tu commences avec lui. Tu dis par exemple, lève ta main, quand personne te voit, il va lever sa main. Non, pourquoi? Ah, personne m'a vu. Mais si, Allah qui te voit. Ah oui, khlas. Ah, il travaille son cerveau. Lève ta main quand personne te voit, si ce n'est moi. Il va pas lever, pourquoi? Bah, parce qu'il y a Allah qui me voit toujours. Wa hakada. Comme un des machaïrs racontait l'histoire, pour finir, il disait cette histoire très connue, Et quand il y avait des professeurs qui ont dit, qu'il y a des parents qui se sont plaints aux professeurs. Ils ont dit, Walakin, toi, t'es toujours en train de chouchouter, t'es toujours bien avec cet élève. Et nos enfants à nous, pourquoi tu es pas bien comme avec cet élève? Il a dit, khlas. Il a dit, radan, inshallah ta'ala, chacun d'entre vous, il vient avec un sikin, avec un couteau. Et avec une poule ou un poulet. Chacun d'entre vous vient avec un poulet et un couteau. Tous les parents, ils ont dit, pourquoi? Il a dit, venez, vous allez voir. Chacun des parents est venu avec le poulet et le couteau. Il a dit, khlas, vous les voyez. D'accord. Il a dit à tous les élèves, vous allez dans un endroit, d'accord, où personne vous voit, vous égorgez le poulet et vous revenez ici. Tout le monde est parti, ils ont égorgé le poulet, ils sont partis dans un coin, ils sont revenus, ils ont dit voilà. Ils ont dit, bah t'as vu, tout le monde, tous nos enfants, ils t'ont obéi, sauf celui-là, celui-là que t'aimes plus. Il dit, attendez, on va lui dire pourquoi. Pourquoi? Il a dit, j'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé un endroit où Allah me voit pas. Il y a de l'aqida. Il a dit, voilà pourquoi je le préfère à vos enfants. Et ça, c'est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. C'est qu'ils grandissent avec quoi? La sincérité, al-ikhlas, lillahi azza wa jal. Savoir qu'Allah les regarde tout le temps. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il a plus peur l'enfant de son père que d'Allah. Non, ne fais pas ça, sinon Allah va pas être content, car Allah, il n'aime pas que tu désobéisses à ton père. Ah, toujours, donne-lui la relation avec Allah. N'écoute pas de la musique, parce qu'Allah, il n'aime pas que... Toujours Allah, Allah. Parce que si tu dis, ne fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Quand tu seras pas là, il va le faire ou pas? Khalas, il est pas là, celui qui m'interdit, le policier. Walakin, quand tu l'éduques et tu lui expliques, Ya bunay la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ah, tu lui donnes l'explique. Limadha? La taf'al zalik? Limadha? Li'anna Allah qal, li'anna an-nabi alayhi as-salam qal. Tu lui expliques pourquoi? Et après, il sait, lui. Khlas, il met son cœur, la crainte, c'est pas envers son père, c'est envers Allah avant tout. Qui a mon père ou pas, je crains Allah. Il grandit avec ça, il grandit avec ça. C'est comme ça que tu formes des hommes. Walakin, pose-toi la question. Est-ce que tu fais les causes? Ici, à travers tes actions, tu prouves que tu fais devancer la religion sur les sciences profanes et la dunya. Si c'est oui, barakallahu fiki akhil habib, wasil, continue. Continue. Si tu vois que tu le dis avec ta langue, mais dans les actions, honnêtement, quand c'est dunya, tu te mets à fond, quand c'est din, relâchement, ittaqillah ya abdallah. Et n'oublie pas que tu vas être interrogé, ça tous, al yawm al qiyama, sur cette amana, sur ce dépôt. Et au jour de la résurrection, vous savez toutes les étapes qu'il y a. Et la dernière étape au jour de la résurrection, le jour de la résurrection qui durera 50 000 ans. La dernière, As-Sirat. As-Sirat. Et d'un côté de Sirat, il y aura quoi? Al-Amana, le dépôt. Toutes les épreuves à la fin. Il reste que Sirat, c'est pas fini. Le dépôt, Al-Amana, et quoi? Et les liens de parenté. Ah, tes parents, t'as fait quoi avec tes parents? Les liens de parenté. Et les deux, ils vont demander leurs droits. Alors que t'as passé des épreuves et des épreuves et des épreuves, et très serein, aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant qu'une épée, si tu le passes, t'es au paradis. Ça y est. Et si tu vas le passer, par rapport à tes œuvres. Certains vont le passer comme le prophète a dit, comme un éclair, d'autres comme un vent. Ça dépend, donc comme un clin, ça dépend de tes bonnes actions. D'autres vont tomber, ils seront en enfer, wal'iyadu billah. Et donc ici, à ce moment-là, cette dure épreuve, il y aura quoi? En plus de cela, Al-Amana qui va demander tes dépôts. Et Wallahi al-Adim, si tu n'as pas assumé ta responsabilité, tu le paieras ici-bas. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما تدين تدان. Car le prophète a dit, comme tu as fait, on te fera. Bien que le hadith, il est faible. ولكن بالنسبة المعنى فهو قوي. Concernant le sens, il est fort, comme on dit, Al-Ulama. D'accord? Car il est, يعني, en total. Il n'est pas du tout en contradiction avec les autres textes du Coran et de la Sunna, bien au contraire. Donc ici-bas, tu vas le payer, dans le delà, ils vont venir te voir, tes enfants. Et ils demanderont leurs droits. Tu les as abandonnés, tu les as pas éduqués comme il se doit. Tu as fait devancer les dessins animés ou alors je ne sais quoi, ou les choses de dunya sur leur éducation religieuse. Donc pose-toi la question, et toi aussi ma sœur, pose-toi la question, est-ce que ce que je dis avec la langue, je le prouve à travers l'a'mal, à travers les actions? Si c'est oui, alhamdulillah, si c'est non, jaddid an-niyya, renouvelle ton intention, et je t'ai donné la solution ici, bi-ibnillahi azza wa jal, wa billahi tawfiq. Et la semaine prochaine, bi-hawlillahi azza wa jal, je donnerai ici quelques conseils pour la bonne éducation des enfants, incha'Allah ta'ala, quelques erreurs à éviter, quelques conseils à donner, selon le Coran et la Sunna, bi-fahmi salafil ummah, et bi-ibnillahi azza wa jal. Ensuite, on rentre dans les détails, dans le sujet qui fait partie des sujets les plus importants, bien plus que cela, qui est le plus important en islam, al-shirk, l'association. On va voir dans les détails la grande association, les types de petites associations, l'association apparente, l'association cachée, tous les détails concernant al-shirk billahi azza wa jal, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.